Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la grande Monique Lérac. Comment je me suis appelée Lérac? C'est très bizarre parce que j'avais 14 ans quand j'ai commencé et j'avais passé une audition pour jouer un grand rôle et mon professeur, elle m'a dit, il y a trop de tremblés dans le métier, tu peux pas garder ce nom-là, puis c'est pas un nom de théâtre, ça fait pas bien sur une affiche. À ce moment-là, je m'en foutais pas mal de l'affiche, je savais pas, je voulais simplement avoir ce rôle-là. Puis une fois, en ouvrant un journal, la presse, le courrier du cœur que je lisais jamais, je sais pas pourquoi j'ai regardé ça, il y avait quelqu'un qui signait Lérac. Quoi, je sais pas, j'ai trouvé ça beau, j'ai dit tiens, je vais prendre ça. Et puis Mme Maubourg m'a dit oui, ça va très bien. Alors j'ai gardé ça. Monique Lérac, dans le documentaire de Richard Martin, Monique Lérac, une femme comme les autres, un documentaire qui a été présenté à l'émission Les Beaux Dimanches en 1972. Elle a été l'une des plus grandes voix du Québec, l'une des plus grandes interprètes aussi de l'histoire de notre chanson. Elle a chanté les paroles de Vigneault, les paroles de Leclerc, et elle a participé avec eux au début de cette chanson d'ici, dont l'accent a résonné jusqu'en France. Monique Lérac est incontestablement une très grande dame de la chanson québécoise. En octobre 70, se sont passés au Québec des événements qui ont bouleversé tout le monde. Et Félix, qui, habitué de s'exprimer en chanson, a pris sa guitare et il a composé L'Alouette en colère. Et L'Alouette en colère, c'est très important dans l'œuvre de Félix parce que c'est un tournant. À partir de là, il a écrit une autre sorte de chanson, des chansons plus engagées. Et ça nous mène, ça, jusqu'au tour de l'île, qui est sa dernière chanson. Voici L'Alouette en colère. J'étais à Paris à l'époque, et j'étais dans ma maison de campagne, là-bas, qui était à peu près une quarantaine de kilomètres de Paris. Et puis je vais le voir chanter à Bobino, puis il me dit, « Où est-ce que tu habites ?» Alors je lui raconte ça, et il dit... « Ouais, j'aimerais ça aller voir ça. Ah bon, oui, ok, je lui donne tous les renseignements. » Et bon, il est arrivé avec sa guitare et puis il m'a chanté... « L'Alouette en colère ?»« L'Alouette en colère !» Il me chante ça. Moi, j'ai les larmes. J'ai dit, « Ben, Félix, il faudrait que tu ailles la chanter à Montréal. » Parce que ça faisait longtemps qu'il était en France. Mais je me suis rendu compte beaucoup plus tard qu'en fait, il était venu me la chanter pour que moi, je la chante. Mais sur le coup, j'ai pas compris. Par pudeur, il vous l'aurait pas demandé directement. Non, c'est tout lui, ça. J'ai un fils dépouillé, comme le fut son père, porteur d'eau, scieur de bois, locataire et chômeur dans son propre pays. Sur l'interprétation de Monique Lérac de cette chanson de Félix Leclerc, L'Alouette en colère, vous entendiez un extrait d'émission Rencontre intime avec Monique Lérac, animée par Catherine Pépin, diffusée à l'antenne d'ici musique le 22 février 2018. Pour nous présenter le parcours exceptionnel de Monique Lérac, je reçois le compositeur et chef d'orchestre François Dompierre, qui est également l'auteur de la biographie Monique Lérac, Le roman d'une vie. François Dompierre, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, M. Dompierre. Vous l'avez bien connue, Monique Lérac. On entendait la chanson de Félix. Il y a d'ailleurs un lien, je pense, entre votre rencontre avec elle et Félix Leclerc. Parlez-nous d'abord de cette femme-là, cette femme que vous avez connue, de l'attachement que vous aviez pour elle, de ce qui vous a peut-être aussi donné envie de lui consacrer une biographie. Vous avez parlé tout à l'heure d'une femme comme les autres, le titre de l'émission à laquelle elle a participé. Monique Lérac n'était pas une femme comme les autres. Elle les réunissait toutes. C'était une femme qui allait dans toutes les directions. J'ai rarement connu quelqu'un, un artiste, d'ailleurs c'est peut-être la seule femme que j'ai connue ici comme ça, qui était plurielle à ce point-là, qui pouvait vraiment tout faire. Et c'est probablement ce qui m'a le plus enthousiasmé quand j'ai commencé à la connaître, de voir qu'elle pouvait faire tout ça, chanter, jouer. Mais jouer pas n'importe. Elle pouvait jouer du Molière, elle pouvait jouer du Racine, d'ailleurs elle l'a fait, Corneille, tout ça. Mais elle pouvait aussi jouer dans des comédies. Elle pouvait jouer avec la Poune, elle pouvait jouer au cabaret, elle pouvait vraiment tout. Elle allait dans toutes les directions. C'était vraiment quelqu'un qui réussissait à tirer son épingle du jeu dans dans toutes les situations. Et c'est peut-être sûrement cette force qu'elle avait pour le jeu qui fait d'elle la grande interprète qu'elle a été à la chanson. Vous dites d'ailleurs qu'elle appartient d'abord à cette Sainte Trinité que vous identifiez comme gravitant autour de Pauline Julien, René Claude et Monique Lérac, mais vous dites aussi que c'est elle, dans les trois, qui est au sommet de cette grande Trinité. Pourquoi? Bien, parce qu'elle allait probablement dans toutes les directions. Ça n'enlève rien à Pauline, ça n'enlève rien à René, qui ont été de très, très grands interprètes d'ailleurs, mais elles étaient plus spécialisées d'une certaine façon. Elles allaient dans une direction ou deux. Dans le cas de Pauline, Pauline a été aussi une comédienne. René aussi, mais moins. Mais Monique, elle était tout ça, et on se demandait si elle était meilleure comédienne ou meilleure chanteuse, mais ça devait pas se poser on ne devait pas se poser la question comme ça, parce qu'elle était bonne dans tout. Elle, c'était ce qu'on appelle une naturelle. Oui. Elle était une naturelle à partir de son plus jeune âge, et puis le fait qu'elle ait rencontré plus tard que Dalmet, ça l'a amené à faire encore plus de choses. Oui, qui sera son mari, puis on va y revenir, parce qu'effectivement, il aura un rôle important, Jean Dalmet, dans ce que deviendra Monique Lérac, professionnellement, entre autres. Mais un petit mot sur son enfance, parce qu'elle a tous ses talents. Très tôt, vous le disiez, là, la jeune Monique, elle est déjà talentueuse, mais en même temps, quand on regarde le milieu auquel elle appartient, au départ, François Dompierre, on ne peut pas penser qu'elle deviendra celle qu'elle deviendra. Non, c'est une autodidacte absolue. Elle a à peine fini sa 9e année, je ne sais même pas si elle l'a fait. Hein, elle est partie de l'école pour aller aider sa mère dans sa famille. C'était dans le temps de la guerre. Et puis très rapidement, elle est allée travailler en usine. Voilà, c'était son seul parcours académique, c'est celui-là. Mais le reste, elle l'a appris par elle-même. Elle est devenue une lectrice prodigieuse. Boulimique, qui elle avait soif d'apprendre, mais pas à l'école. Ça ne l'a pas intéressée beaucoup. Et puis, elle a fait ça par elle-même, vraiment par elle-même. Et elle a tout appris, vraiment tout appris. Oui. Puis, parce qu'elle s'intéresse quand même au jeu et au chant, elle va suivre des leçons privées. C'est beaucoup comme ça que ça se passait à l'époque. Oui, elle a commencé par s'intéresser au jeu, en fait, parce que la chanson, c'était une affaire qui chantonnait dans sa douche, elle me l'a dit, puis elle a été très longtemps à penser que c'était quelque chose de peu anodin et que c'était un peu hors parcours pour elle. Elle a toujours privilégié l'aspect théâtral, et même quand elle chantait, c'était du théâtre pour elle. Elle a commencé comme ça, donc, à l'âge de 14 ans ou 15 ans, elle a passé une audition, et contre toute attente, elle a remporté l'audition, elle a remporté le rôle, celui de Bernadette Soubirous, avec Paul Langlais à la radio de Radio-Canada, un radio-théâtre, comme on oui. avait à l'époque. Et comment elle en vient à la chanson, finalement? Elle est, comme toute jeune fille, ou comme tout jeune, je pourrais dire, vers 20 ans, 21 ans, elle s'est mise à fréquenter un peu les cabarets. Il n'y avait pas de boîte à chansons à l'époque, il y avait des cabarets. Elle est allée avec son amie Denise Proulx un jour au Faisan Doré, où il y avait Jacques Normand, puis des fantaisistes, et ça lui plaisait beaucoup, elle trouvait ça très intéressant. Alors, elle a commencé à aller là, puis elle y allait souvent. Et a appris toutes les chansons que la fille, la diseuse, en fait, qui faisait le spectacle avec Jacques Normand, faisait. Et un jour, un soir, la diseuse n'était pas là, elle était malade, et on lui a demandé, on la connaissait parce qu'elle venait souvent, et quelqu'un, je pense que c'est le propriétaire du cabaret, qui a dit, écoute, tu devrais la remplacer, tu connais toutes les chansons, ça va nous sauver un petit peu la mise, parce que sinon, il n'y a pas de spectacle. Alors, elle l'a fait, et ça a été un succès extraordinaire. Les gens étaient debout, trépignaient, parce qu'elle chantait très bien. Mais elle ne l'a pas su qu'elle chantait bien avant plusieurs années. Je veux dire, c'était pour elle une façon, un clin d'œil, quoi. Oui. Donc, un peu accidentellement, elle se retrouve sur cette scène du Faisan Doré. Puis là, c'est parti. Elle va faire des tournées. Elle est très jeune, là. Elle a 20 ans, 21 ans. Puis elle part déjà pour l'Europe, le Liban, des tournées un peu partout. Et puis, 52 arrive cette date. Vous en parliez de l'importance qu'il a eue il y a quelques minutes, Jean Dalmet. Donc, elle épouse en 52 le comédien français Jean Dalmet. Quelle importance il aura pour elle, François Dompierre? Alors, Jean Dalmain était un élève de Jouvet et est devenu collègue de Louis Jouvet. Il faisait donc partie de cette tradition française du théâtre avec un grand T, hein, avec le grand théâtre classique, Corneille, Racine, bon, Molière. Et il était venu ici, au Québec, participer un peu à la fondation du TNM avec Jean-Louis Roux et les frères Gascon. Et il a rencontré, un soir, il est allé avec deux de ses comédiennes, de ses élèves d'ailleurs, il est allé au Faisan Doré, à la Casa Loma, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, enfin je ne me souviens pas précisément du nom, mais il était venu l'applaudir parce qu'elle chantait là avec Jacques Normand, et puis il a vraiment eu un coup de foudre pour elle, plus lui que elle, oui. Apparemment. Et puis, mais ils se sont d'abord liés d'amitié, puis bon, ensuite, ils sont devenus amoureux. Et puis, il l'a vraiment pris en main. Monique, par la suite, a minimisé un peu son influence. Mais je pense que, bon, ben, les choses ne se sont pas nécessairement bien terminées entre eux, mais à la fin de leur vie. Mais, et c'est peut-être à cause de ça, mais je pense qu'elle a eu tort, parce que de la vie de tout le monde, Dalmain a été très, très important pour elle. Il lui a un peu montré la voie à suivre. Et Monique est devenue une comédienne française de la grande tradition. Et elle va le suivre, d'ailleurs, littéralement, en France. Puis c'est l'époque, il faut le rappeler, mais c'est l'époque, on y revient. On l'entendait chanter Félix au tout début de l'émission. C'est l'époque où Félix est en France, Vigneault aussi. Donc, elle participe à ce mouvement, là, où il y a quelques jeunes Québécois qui tentent leur chance en France. Gagnon, et Général de Cannabis, Monique Leirac. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon jardin, ce n'est pas un jardin, c'est la plaine. Mon chemin, ce n'est pas un chemin, c'est la neige. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver, dans la blanche cérémonie. Donc, au début des années 60, Monique Leirac se met à chanter ses auteurs-compositeurs de chez nous, Vigneault, Léveillé, Leclerc. En 65, elle remporte le Grand Prix de la Journée internationale au Festival international de la chanson de Sopot, en Pologne, avec ce qu'on vient d'entendre, la chanson « Mon pays » de Gilles Vigneault. Vous teniez à ce qu'on entende cet extrait, François Dompierre. Pourquoi? Oui, et je dirais à vos éditeurs d'aller sur YouTube puis de l'écouter, oui. Parce que c'est de la voir aussi. Parce que on ressent, je crois, la même émotion que le public polonais a ressenti ce soir-là. C'est absolument prodigieux de voir cette femme-là qui chante comme si ce pays-là lui appartenait véritablement. Et elle ne pouvait pas faire autrement que de gagner le Grand Prix. C'est extraordinaire. C'est une des grandes performances qu'on voit d'elle, d'ailleurs. C'est vraiment merveilleux. La voix est magnifique et on y revient. Vous parliez de la formidable interprète qu'elle est. Moi, je vous avoue qu'en préparant l'émission, puis c'est peut-être une des raisons pour lesquelles vous avez voulu écrire cette biographie, mais je redécouvrais Monique Leirac, alors, et les plus jeunes encore, peut-être, la connaissent carrément pas ou très peu, mais c'était vraiment une voix, une interprète formidable. Oui, c'est une interprète formidable et qui est devenue une très, très grande vedette. Donc, les gens ne la connaissent pas parce que la vie est ainsi faite. On applaudit des gens, puis 10 ans plus tard, on les oublie, on ne sait plus qui ils sont. Mais c'était vraiment une étoile très particulière dans le firmament de la société artistique, de la vie artistique du Québec et d'ailleurs et du Canada aussi, parce qu'elle est allée partout. Hein. Ouais. Plus peut-être que d'autres, parce qu'elle allait dans, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle allait dans tous les sens. C'était ouais. Une femme de théâtre. Elle a travaillé en anglais, en français, bon, ben, voilà. Partout. Parce que l'une des particularités, bien sûr, on l'a dit, elle sera très présente en Europe, mais elle sera aussi présente dans l'anglophonie, au Canada anglais et aux États-Unis. Oui. Try to remember the kind of September when life was slow and oh so mellow. Vous êtes déjà allée à New York. Mm-hmm. Vous avez trouvé difficile New York? Ben, c'est la même chose, il faut faire un choix. Bon, je suis allée à New York, j'ai fait un récital à Town Hall un jour, et puis une autre fois à Carnegie Hall, puis je suis passée dans deux ou trois grandes émissions américaines. Bon, ça c'est très bien, mais faire carrière c'est autre chose, c'est-à-dire s'y établir dans ce pays et conquérir les gens petit à petit. Ce n'est pas parce que vous faites un récital à Carnegie Hall que vous avez conquis les États-Unis. C'est-à-dire, ça n'est qu'un épisode qui est prestigieux, mais pas sur le plan d'une carrière. Il n'y a pas que le prestige, il y a aussi faire son métier tous les jours, qu'il y ait des gens qui viennent, qui veulent vous entendre, qui achètent vos disques, etc. Alors, aux États-Unis, il aurait fallu que je m'y installe, comme je fais en ce moment en France. C'était un choix. Mais c'est ce que je vous disais au début, tout à l'heure, c'est que je suis française malgré tout, je suis d'origine française et de langue française. Or, même quand je chante en anglais, même aux États-Unis, on me considère comme une chanteuse française chantant anglais, non pas comme une chanteuse américaine. Alors, le choix a été facile, je me suis dit non, c'est idiot, c'est en France qu'il faut que je chante. Deep in this summer, our hearts should remember and follow. C'est au micro d'Andréanne Lafont à l'émission « Qui êtes-vous, Monique Lérac ?» diffusée en 1972 que vous entendiez justement Monique Lérac parler de ce flirt avec les États-Unis et le monde anglophone. Elle va choisir la France, on l'entendait dans cet extrait, François Dompierre, la France, le français, le Québec. Mais elle est populaire aux États-Unis, au Canada anglais. Qu'est-ce qui explique cet intérêt pour elle du monde anglophone? Oui, elle était populaire et c'était vraiment son choix de ne pas aller parce que Samuel Gesser, qui était son impresario et qui était celui d'Harry Belafonte, avait des entrées partout, non seulement au Canada anglais, mais aussi aux États-Unis, partout. C'était un impresario très bien coté et il croyait énormément, et avec raison, à Monique Lérac. Et puis, Monique n'a pas voulu le faire. Et Monique, c'était une femme entêtée, on peut dire ça, c'est un trait de son caractère, c'est une têtue, quand elle décide des choses, elle y tient, puis voilà, elle est très difficile à convaincre, hein, sinon... Donc, elle est allée en France parce que la France lui plaisait, point à la ligne. Oui. Et c'était pas quelqu'un à suivre le plan de carrière d'un impresario. D'ailleurs, je pense qu'ils se sont tranquillement quittés, Sam Gesser et elle, par la suite. Et Monique a continué tout seul. Elle est allée ailleurs. Elle a fait autre chose. Pleurez, oiseaux de février, aux sinistres frissons des choses. Pleurez, oiseaux de février, pleurez mes pleurs. Pleurez mes roses aux branches de genévrier. Comme la neige a neigé, ma vitre est un jardin de givre. Oh, comme la neige a neigé, qu'est-ce que le spasme de Soir d'hiver, interprété par Monique Lérac en 1975. Monique Lérac enregistre un disque où elle chante la poésie de Nelly Gant. En fait, dans les années 70-80, elle va pratiquer ce qu'on va appeler la chanson théâtre. Ça donnait quoi? Je sais que c'est une période à laquelle vous êtes particulièrement attaché, François Dompierre. Ça donnait quoi ce mélange-là entre chanson et théâtre sur scène? Elle a presque inventé le genre ici. Bon, c'est sûr que d'autres l'ont fait ailleurs, mais ça a été sa véritable période de créatrice, en fait, parce que elle a fait ce qu'on appelle des performances, un peu comme j'imagine ce que Robert Lepage et elle auraient fait ensemble, ça aurait été extraordinaire. Mais elle était déjà dans cet esprit là hein. C'est un esprit on ne voyait ça nulle part. Elle a fait ça d'abord avec Nelly Gant, Elle l'a fait avec Baudelaire, elle l'a fait avec Félix, elle l'a fait avec plein de sujets, parce que pour elle, la chanson n'était qu'un moyen d'accéder différemment, si je peux dire, au théâtre, de faire porter le texte avec l'aide de la musique, mais de livrer quelque chose, la pensée d'un auteur, en fait. C'était vraiment ça. Oui. Et c'est dans cet esprit-là qu'elle a fait Nelly Gant. D'ailleurs, Denis La Rochelle, qui était son pianiste à cette époque-là, m'a dit que les fois où ils ont fait ce spectacle-là, Nelly Gant, les gens étaient sidérés. On pouvait entendre voler une mouche pendant tout le temps du spectacle. C'était vraiment extraordinaire. Oui. C'était un moment de théâtre comme rarement on en a vu par la suite, sauf peut-être, comme je vous disais, avec Robert Lepage, oui. Bon, des choses comme ça. Là. On boucle la boucle. François Dompierre, on évoquait au tout début quelques-unes des raisons qui ont fait que vous avez décidé d'écrire une biographie, la biographie de Monique Lérac. La biographie, d'ailleurs, paraît en 2019, quelques mois seulement avant qu'elle ne meure. Qu'est-ce que le fait de la publier, cette biographie-là, qu'est-ce que ça vous a permis de constater sur ce qui reste d'elle dans le Québec d'aujourd'hui? D'abord, ça m'a appris à la connaître, premièrement, mais aussi de voir que beaucoup de gens se souvenaient d'elle, finalement. Vous savez, c'est une biographie, c'est un livre qui a eu beaucoup de succès. Je ne m'attendais pas à ça, parce que je sais que le livre ne se vend pas tant que ça au Québec. Bon, les gens préfèrent souvent le direct, la télévision, des choses comme ça, mais, ou le documentaire. Mais ce livre-là a attiré l'attention de la génération de Monique. Oui. Et je crois aussi que des jeunes ont appris à la connaître. C'était vraiment ma surprise, parce que mais aussi, ma surprise, c'était de découvrir cette femme-là que je pensais connaître, que j'avais rencontrée. J'avais jamais travaillé directement avec elle, mais j'ai travaillé avec elle par l'entremise de Félix Leclerc, parce qu'elle a chanté sur ses disques. Donc, je l'ai dirigée en studio, et c'est là où j'ai appris à connaître cette artiste extraordinaire. Oui. Mais je ne la connaissais pas encore beaucoup. C'est juste par la suite. On était voisins, en fait, à Sutton, où on demeurait tous les deux, puis on s'est rencontrés. Elle est venue manger à la maison, puis elle a chanté pour moi. Ça faisait très, très longtemps qu'elle n'avait pas chanté. C'était un grand moment d'émotion aussi, je vous dis. Ben merci en tout cas d'avoir parlé, François Dompierre, avec beaucoup d'émotion de Monique Lérac aujourd'hui à l'émission. Je rappelle que vous êtes compositeur, chef d'orchestre, auteur également de cette biographie, Monique Lérac, le roman d'une vie. Merci beaucoup. Je vous en prie, M. Beauchamp. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. Pour cet amour qui vient au monde, pour cet amour qui vient de toi, dans une même joie profonde.